طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. نتاغي بها. قال المؤلف رحمه الله: ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. استلاك نتاغي بها تعيين هذه الأسماء، ستادير لا سبيسيفيكاسيون دو سي نولا سيتي سي نولا كي سون دون حديث الحديث كنا فيه لها avec tous les noms. طيب، دي ولم يصح، يعني الحديث اللي با صحيح. طيب، الحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. ولا الحديث كي دون ترمذي، سو حديث لا كي دون ترمذي، ويدي هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن. سو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم يا أخوان؟ طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. شيخ الإسلام ابن تيمية دي كل فات دوني أنو الله دو فاد سو حديث لا وغادير سو حديث كنا سيني لي سو حديث لا يدي شيخ الإسلام كيلي ضعيف. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. الوليد ذكرها في بعض شيوخه. طيب، هذا سان تعليل كون ابل سي دون لا سيونس دو حديث بور دير كو لو حديث ني با اكسبتي. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب والتدليسه واحتمال الإدراج. نعم، الاضطراب والتدليس tout ça c'est des termes pour dire que le hadith il est ضعيف. après pour vous expliquer qu'est-ce qu'un hadith مضطرب ou qu'est-ce qu'un hadith où il y a un تدليس، là ça va être un cours de مصطلح. طيب، وكل هذه العلل تقدح في صحة الحديث. على كل حال، le hadith ici qui commence par wallah alladhi la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mumin ce hadith là il est ضعيف. amma al-asma hal hiya thabita an Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, tout ce qui est dans le Coran, dans la sunna qui est sahih, on l'accepte. Et on verra inchallah bi diqqa, j'ai oublié de vous ramener le bahth, la recherche sur ce qui est thabit, c'est-à-dire sur ce que ce qu'il y a réellement comme nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existe vraiment dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, il dit: الذي فيه عد الأسماء ثم إن هذه الأسماء التي ذكرت منها ما لا يصح أن يكون اسما. Il y a une autre illa dedans, il y a une autre anomalie dans ce hadith, c'est qu'il y a des noms dans ce hadith là qui ne sont pas authentiques, qui ne peuvent pas être attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, ça montre que le hadith est ضعيف. وهناك أسماء أخرى لم تذكر في هذا الحديث وهي من أسماء الله تعالى. Et en plus, il y a d'autres noms qui font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala mais qui n'ont pas été cités dans ce hadith. فالرب من أسماء الله ولم يذكر في هذا الحديث. والشافعي هكذا نو والشافعي نو والمصيب والشافعي كذلك من ce qu'il a dit والشافعي ici dans le livre, ça c'est faux ce qu'il a mis dans le livre là, page 91. والشافعي non, c'est faux, c'est شافي. شافي c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala mais il n'a pas été cité dans le hadith. Donc ce qui prouve aussi que le hadith est faible. ومع هذا لم يذكر في هذا الحديث. طيب، فهمتم؟ donc il manque des noms dans ce hadith là et c'est une illa dans sa faiblesse aussi. طيب، ensuite il dit: فلما كان هذا الحديث قد جمع ما لا يصح أن يكون اسما لله وترك ما هو من أسماء الله، دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Il te dit dans ce hadith là, le fait qu'il y a eu des noms qui ne sont pas sahih, qui ne sont pas authentiques. D'accord ? Et le fait également qu'il a délaissé, dans ce hadith-là, le fait de ramener les autres noms qui sont sahih, comme Al-Shafi, etc. Il a dit, ça, c'est deux indices qui nous prouvent qu'il est impossible que le prophète, alayhi sallam, ait dit ce hadith-là. D'accord ? Qu'il aurait fait le compte des noms d'Allah comme ça, et ensuite, il aurait compté les noms d'Allah et il aurait oublié de dire ça ou de dire ça. Ça, ça prouve une anomalie dans le hadith. Vous avez compris ça, inshallah ? Taïb. دل ذلك على أن عدها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. C'est-à-dire parce que la parole du prophète صلى الله عليه وسلم ne peut pas être contradictoire. لا يتناقض. تناقض, ça veut dire contradictoire. ومن أحب أن يطلع على كلام العلماء في عدها فليرجع إلى فتح الباري لابن حجر فقد ذكر هناك كلام العلماء في عدها وفيه أشياء غريبة ذكرها بعض العلماء على أنها من أسماء الله وهي بعيدة عن أن تكون أسماء له. طيب تدي ensuite الشيخ العثيمين dans l'explication de son livre, il dit celui qui aimerait voir, qui aimerait regarder ou voir le kalam des ulama, la parole des savants sur le compte, sur le nombre exact ou les nombres exacts des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il regarde Fath al-Bari. Qu'il aille regarder Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est le livre de Al-Hafidh ibn Hajar. Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, qui était donc un grand savant d'Égypte, et qui avait écrit Fath al-Bari, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari. Et ce livre, qui est l'explication de Al-Bukhari, il l'a fait en 25 ans. Il a compilé en 25 ans. 25 ans qu'il a écrit et qu'il a recherché pour expliquer les hadiths qui sont dans Sahih al-Bukhari. D'accord ? Et ce livre-là, c'est un véritable trésor que doit avoir tout talib ilm, que doit avoir tout étudiant. Mais il doit avoir un certain niveau dans la langue arabe, un certain niveau dans le hadith, un certain niveau dans la aqida, aussi dans la croyance. Naam, il doit avoir fait des livres préalablement, hein. Il doit avoir les fondements, on va dire, de la religion, yani, vous savez, tous les livres là qu'on doit étudier, au sur le fiqh, etc., avant de pouvoir lire ce livre. Sinon, il ne va rien comprendre. Vous avez compris ? Taïb. Fath al-Bari, Ibn Hajar, souvent lorsqu'il parle d'une mas'ala, yastatrid. Ibn Hajar, souvent lorsqu'il parle d'une question religieuse, il s'élargit beaucoup, Ibn Hajar. Alors il te dit, voilà, tel ulama disent. Par exemple, sur Laylat al-Qadr, si je me souviens bien, il avait ramené 50 qawl. Il dit, il existe 50 paroles de savants. Et lui, en fait, c'était quelqu'un qui recherchait tous les khilafs, tout ce qui existait dans chaque mas'ala, afin de lui donner vraiment son haqq à ce livre-là. Déjà, pour mettre 25 ans pour expliquer un livre, il faut vraiment avoir une himma. D'ailleurs, il avait fêté ça avec un grand festin, hein, quand il avait fini, Ibn Hajar. Taïb, rahmatullah alayh. Mais il avait des erreurs dans la aqida. Lui-même, hein, Ibn Hajar, il avait des erreurs dans la aqida, et il était tombé dans l'ash'arisme. Taïb, il était un petit peu ash'ari. Certains savants, ulama, certains ulama disent sur Ibn Hajar qu'en réalité c'était bien sûr à cause de la bi'a, à cause de l'endroit là où il vivait et les savants qu'il avait eus, etc., etc. Mais que sinon cet homme-là, on ne peut pas bien sûr rejeter son livre qui est Fath al-Bari. Car comme disaient nos savants et même ses savants contemporains comme Cheikh Al-Albani, disaient que tu ne peux pas comprendre Sahih al-Bukhari que si tu passes par Fath al-Bari. Vous avez compris ? Taïb ibn Hajar, rahmatullah alayh, il avait des erreurs, comme on a dit dans le Mu'taqad. Alors les savants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les savants de cette époque ont vu que ce livre, c'est un trésor dans l'oral arabia, dans le hadith, dans le fiqh, dans ça. Et ils ont vu qu'il fallait corriger les erreurs qu'il avait dans la aqida. Parce que des fois, lorsqu'il faisait une explication relative à une question qui était de l'ordre de la croyance, de la aqida, il voyait qu'il disait un petit peu des choses qui n'étaient pas, bien sûr, du ménage des salafs, et plutôt même du ménage des asha'ira, malheureusement. Alors, ils ont décidé, ces savants-là, de le corriger. Et un des premiers savants qui l'a corrigé, c'était Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimallahu ta'ala. Alors il a demandé à ce qu'on lui lise le livre tout en entier. Lui, il était aveugle. Et il s'arrêtait au moment où il fallait corriger le livre. Vous avez compris ? Il s'arrêtait au moment où il fallait corriger le livre. Attends, répète. Khalas, il s'arrêtait. Et ensuite, il faisait un ta'liq. Non, cette parole est fausse. Pourquoi ? Parce qu'Allah dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ça, c'est la parole des salafs. Vous avez compris ? Tayyib. Et également, vous avez également... une autre personne, un de ses élèves, rahmatullah alayhi, qui est encore vivant, qui est Cheikh Abdurrahman al-Barrak. Cheikh al-Barrak, qui est donc à Riyad, un grand savant, et un de ses étudiants également, qui a fait également un ta'liq, des annotations sur les paroles de Ibn Hajar, sur les asma ou sifat. D'accord ? Parce qu'il se trompait dans les asma ou sifat, Ibn Hajar. Pour savoir une chose, c'est ça. C'est qu'il se trompait dans les deux, étant donné qu'il avait, comme on a dit, un petit peu de sharia. Et ensuite, il y a des gens qui ont fait du roulou, les gens qui font du roulou là, dans le tabdi', lui c'est un innovateur, etc., etc. Il y avait des gens qui faisaient du roulou, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ce livre-là, il faut le brûler. Ils ont dit, ça ne sert à rien, de toute façon, comme il est moubtadi', il peut nous infiltrer n'importe quoi. Et après, ils ont fait du roulou. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont décidé de le brûler. C'était une jama'a là, qui suivait un homme qui s'appelait Mahmoud al-Haddad et qui était à Médine. D'accord ? Et ils ont décidé de faire cette fatwa et de le brûler. Et ensuite, les ulama, ils ont raté, ils ont dit non. On ne peut pas brûler un livre comme ça, ce livre-là, il faut juste des corrections, c'est tout. Et regardez, et ça, c'est là l'esprit que doit avoir le musulman. Il doit essayer de récupérer. Quand il a fait un travail, le musulman, tu récupères. Surtout si c'est un grand travail comme celui-là. Vous avez compris ça, Inch'Allah. 25 ans de recherche sur un livre. Le fiqh, c'est pas grave à la rigueur si même on te ramène toutes les paroles de ulama. La Laura, c'est vérifiable, tout ça. Tout ce qui est de l'ordre à langue arabe, etc. Hadith, ça aussi c'est vérifiable. Ibn Hajar, c'est un grand muhaddith. D'accord, ça aussi c'était vérifiable. Mais aqida, là il fallait corriger. Et ils ont corrigé, khalas. En corrigeant les erreurs qui sont dans la aqida, le livre, khalas, alhamdulillah, il est accessible à tout le monde. Vous avez compris ? Et c'est ça l'esprit islamique, c'est que tu dois essayer de corriger. Vous avez compris, Inch'Allah, tu dois essayer de corriger et essayer de profiter de, bien sûr, des efforts des grands ulama. Par contre, si le livre il est rempli de bid'ah, et qu'il veut vraiment instaurer, tu sens, même dans son message, qu'il veut instaurer, bien sûr, l'aqida asha'ira, là, bien sûr, beaucoup de savants vont vous dire non, ce livre-là, il ne doit pas être corrigé, il doit être plutôt rejeté. Le mubtadi' la karamatalahu. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Mais comme ils ont vu que cet homme-là, en réalité, cet homme-là, ce qui est ajib, Ibn Hajar, c'est par le fait qu'il était lié à la science du hadith, il était beaucoup attaché aux paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par le fait qu'il a été éduqué aussi dans une ambiance d'Ash'ari, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y avait que des Ash'ari, il y a eu une espèce de contradiction. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Comment ici être attaché à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète, alayhi salatu wa sallam, et ainsi que les sahaba, radiyallahu anhum, lorsqu'il y avait les textes qui concernaient les asma ou sifat, c'était directement de la soumission, sami'na wa ta'na, avec les règles, comme on a dit, min ghayri ta'rif, min ghayri takyif wala ta'til wala tamthil wala min ghayri takyif wala tamthil wala tahrif wala ta'til, les quatre ta là que je vous ai répété souvent. Tayyib, on sait que c'est le mu'taqad des sahaba, on sait que c'est le mu'taqad des salaf salih et ceux qui ont suivi la bonne voie. Tayyib, Cheikh Al-Uthaymin a donc dit, de par ce fait-là, Ibn Hajar takhabbat. Il a un petit peu mélangé. Il s'est emmêlé les pinceaux. C'est comme ça qu'on dit. Il s'est un petit peu emmêlé. Pourquoi? Parce que d'une part, il avait un amour pour la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam, par le fait qu'il a bien travaillé cela, parce que c'est un grand muhaddith, hein, il savait bien sûr rendre un hadith sahih ou da'if, ça bien sûr il l'avait, Ibn Hajar, et il avait beaucoup de livres aussi dans les rijal qui sont donc les rapporteurs de hadith, d'accord, il avait beaucoup de livres sur ça, énormément de registres sur ça, Ibn Hajar, mais par le fait qu'il a étudié avec des gens aussi qui n'avaient pas une bonne aqidah et que lui il a été influencé par cela, c'est ça qui a fait que, mais de là à dire qu'il faut brûler son livre Fath al-Bari, ça c'est faux, ça bien sûr c'est faux. Et d'ailleurs l'imam Shawkani, hein, rahimahullah, Shawkani qui faisait partie également des savants du Yémen, qui avait des fautes également dans la aqidah. Il avait des fautes dans la aqidah, mais ils ont vu le khair qu'il a apporté, Shawkani. Si vous voulez, souvent le mizan il est comme ça. On regarde le bien qu'il a apporté pour la communauté. Ensuite, les erreurs qu'il a faites, que ce soit même dans la aqidah, ça dépend aussi de la gravité des erreurs, mais natajawaz, on passe dessus. Vous avez compris ça, inshallah. On passe dessus. Et bien, Shawkani, lui, qu'est-ce qu'il disait? Lorsqu'on lui a demandé, est-ce que tu veux bien nous faire une explication de l'Bukhari? D'accord? Et vous connaissez tous le hadith qui dit « La hijrata ba'da al-fath ». Vous connaissez ce hadith? Qu'est-ce que ça veut dire, ce hadith? Qu'il n'y a pas de hijra après quoi? Après la conquête de la Mecque. Sahel là. Vous connaissez ce hadith? طيب. Lui, il a répondu par ça. « La hijrata ba'da al-fath ». Fath al-Bari. Vous avez compris? Il n'y a pas de hijra. Khalas, on ne peut plus. On ne peut plus l'expliquer, ce livre-là. Après ce qu'il a fait Ibn Hajar, tu ne peux plus rajouter une explication. Vous avez compris? Mais malgré ça, il a quand même fait des annotations qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Hein, et Shawkani, rahmatullah alayh. D'ailleurs, Nil al-Awtar, ce livre normalement que vous connaissez, le livre de Shawkani, Nil al-Awtar, c'est l'explication de Muntaqa al-Akhbar, de Al-Majd ibn Taymiyyah, si je me souviens bien, na'am, le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Na'am. Donc, Nil al-Awtar, c'est un livre de qui? De Shawkani. Ils ont dit que c'était un résumé de quoi? De Fath al-Bari. C'est comme si c'était un résumé. Il reprend exactement les mêmes phrases, etc. Subhanallah. Tellement il était influencé par qui? Par Ibn Hajar. Ibn Hajar, attention, lorsqu'il prenait une mas'ala, il a décortiqué. Le malik de l'époque, le malik de son époque, lui a dit, si tu as besoin d'un livre, tu me le dis. Et je te le ramène. Masha'Allah. Imagine-toi, Masha'Allah, le alam, il est là, on lui ramène les livres qu'il veut. Je veux un livre là, il est là en Inde. Allez, ramène-le. Je veux un livre là, il est dans tel endroit. Ramène-le. Subhanallah. Et c'est ce qui a fait que ce livre-là est vraiment un livre, un trésor. Alors, comme je vous ai dit, il y avait une jama'a à l'époque, quelques années de cela, à peu près 20 ans ou 25 ans, ils faisaient du rouleau un petit peu. Même dans la sunna, ils étaient un petit peu... très très très très dur avec les autres, et ceux qui les suivaient pas tout de suite, c'était pas des vrais, il y avait que les vrais, hein, c'est que eux qui étaient Amstan. طيب اتباع محمود الحداد هذا. Ce que vous entendrez par haddadia, même ce terme là, mohim. Hein, Cheikh Fouzen, quand on lui a posé la question, c'est qui le haddadi, il a dit pose-leur la question à eux. Ça m'a fait rire cette réponse. Pose-leur la question, parce qu'à chaque fois qu'il y a une personne, hein, qui a un petit groupe avec lui, tout de suite on lui dit, allez hop, t'as un ceci, allez hop, t'as cela. Comme bientôt vous allez peut-être entendre, t'as un bouzaïdite. Tiens, bientôt tu vas entendre ça. C'est pas baïd ça. À chaque fois qu'il y a un groupe, khalas. À la kulli hal, atba' al-haddad, hada, Mahmoud al-haddad, hada, al-muhim, ils avaient fait cette fatwa, ils ont dit, ouais, il faut brûler le livre de Ibn Hajar. Taïb. Et après, les ulama, ils les ont repris. Et parmi eux, Cheikh l'Albani, il a dit, comment vous voulez comprendre Al-Bukhari, comment vous voulez comprendre Sahih al-Bukhari sans passer par Fath al-Bari? Et ensuite, on a entendu donc aussi Nawawi. Nawawi, lui, il a des erreurs. Vraiment, lui, c'est un petit peu plus, elle est un petit peu plus dedans, dans l'ash'arisme, beaucoup plus que Ibn Hajar. Et Nawawi, rahmatullah alayh, il est vraiment... c'est-à-dire qu'il a, il a un peu plus d'erreurs, mais par contre son livre qui est l'explication de Muslim, on ne peut pas passer devant sans bien sûr le prendre. Chaque talib ilm doit avoir l'explication de Nawawi sur Sahih Muslim. Par contre, on ne prend pas les erreurs qu'il a lorsqu'il parle d'un sujet qui est lié à la aqida, hop, khalas, tu mets de côté. Par exemple, Ibn Hajar et Nawawi, ils voyaient que tu pouvais prendre la bénédiction d'un rajul salih. Vous avez compris? Un rajul salih, par exemple, alhamdoulilah, toi, il te considère comme salih, il disait, ben, il prend ta salive, ou il se nettoie sur toi, ou etc. Il voyait le tabarruk, le fait de tirer la bénédiction d'un rajul salih. C'est une erreur, ça. On sait très bien c'est quoi, ça. C'est du shirk, même. Hein? C'est du shirk asrar, voire, ça peut aller jusqu'à shirk al-akbar, par rapport à le mu'taqad qu'il a. S'il dit que sa salive, je ne sais pas moi, ce salih-là, là, indépendamment d'Allah, c'est un médicament, hein, qu'il a pas besoin, et que c'est un médicament sans le idn d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça on sait c'est quoi, d'accord, c'est que c'est du shirk akbar. Mais eux, ils voyaient quoi? Ils voyaient le tabarruk bis salihin. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, qui montraient que le prophète alayhi salatu wasalam, par exemple, crachait des fois, hein, et que les sahaba récupéraient ce crachat là, d'accord. Ou par exemple le sang, comme c'est venu. Une fois, il avait fait le hijama et c'était qui avait récupéré le sang? C'était Abdullah ibn Zubayr. Et Abdullah ibn Zubayr était devenu très fort avec ça. Subhanallah. Il avait. Khalas, Abdullah ibn Zubayr, ils ont dit, il a bu le sang? Il a dit, na'am, il a bu le sang. Et après, Abdullah ibn Zubayr, khalas, tabarraka bidam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains disent qu'elle est faible, cette histoire. Wallah ta'ala alam. Mais à la kulli hal, Abdullah ibn Zubayr, allez lire son histoire et vous allez comprendre. Qiyam al-Layl, et d'autres choses, hein, Qiyam al-Layl, le fait que c'était un grand combattant fisabilillah, etc., etc., un grand abid, Abdullah ibn Zubayr, mashallah, hein, allez lire son histoire et vous allez comprendre qui était Abdullah ibn Zubayr. Ala kulli hal, mas'alat at-tabarruk bis-salihin, ça c'est une mas'ala la yanbaghi l'ikhtilaf fiha. Ça, il n'y a pas de khilaf sur ça, sur le fait que, pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu salam, c'était bijma' as-sahaba qu'on avait le droit de prendre, par exemple, le cheveu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et prendre la baraka, d'accord? Ou la baraka également, hein, de sa salive, alayhi salatu salam, de ce qu'il avait le prophète, alayhi salatu salam. Et ça, c'était l'ijma' al-sahaba. Walakin, il y a eu l'ijma' al-sahaba, qu'il n'y a pas de qiyas, qu'il n'y a pas de quoi? De raisonnement analogique. Vous avez compris? Et c'est quoi le raisonnement analogique? Par analogie, c'est quoi? C'est le fait qu'Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a zaki Abu Bakr. Il a dit que le meilleur des hommes après moi, c'est qui? Hein? C'est Abu Bakr. Est-ce que les sahaba ils sont partis chercher la baraka des cheveux ou de la salive d'Abu Bakr? Khalas! Alors pourquoi aller chercher maintenant la baraka des autres? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Mais par le fait que, hein, il y avait ce mu'taqad ash'ari, il y avait cette croyance ash'ari, il y avait du khabt, il y avait beaucoup de mélange et de troubles dans beaucoup de questions qui sont relatives à la croyance. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Tayyib. Donc, c'est des erreurs, rahmatullah alayhim, mais profiter de leurs livres, ça c'est autre chose. Et on profite de leurs livres. Ils disent qu'Ibn Baz, rahmatullah alayhim, a lu 60, enfin il a lu, il était aveugle, mais on lui a lu, hein, 60 fois, on lui a lu 60 fois Sahih Muslim. L'explication de Nawawi, 60 fois on lui a lu. Imaginez-vous, c'est quand même 5 ou 6 mujallad, hein. 5 ou 6 volumes qui ont été lus combien, ça dépend de la tab'a, il y en a même qui dépassent les 10 volumes, d'accord. On lui a lu 60 fois. Cheikh Ben Baz, il le connaissait presque par cœur, l'explication de Sahih Muslim, imaginez-vous. Donc on profite de ces livres-là et on ne fait pas de relou, on ne fait pas d'exagération, on dit khalas, hein, allez, ces gens-là ils ont des erreurs, on ne prend rien d'eux. Comme l'a fait cette jama'a-là. D'accord? Et après, le fait de aussi trop parler de Ibn Hajar, est-ce que c'est un imam? Ou Ibn Hajar, ou plutôt Nawawi, est-ce que c'est un imam? Il n'y a pas de faïda, khalas. Les ulama, ils ont dit qu'on pouvait profiter de leur livre, khalas. Après les erreurs, on les rejette, quelle que soit la personne. Même si c'est Ibn Taymiyyah, même si c'est qui tu veux. À partir du moment où le alim, il fait une erreur, khalas. Tu ne prends pas son erreur. C'est pourtant clair, non? Khalas, il fait une erreur. Toi, tu ne suis pas son erreur. Et ça, c'est un ta'sil, les frères, qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hein, J'ai l'impression, Adib, des fois, lorsque tu parles avec des gens qui suivent, hein, soi-disant, le manhaj as-sahih, subhanallah, il arrive à dire que l'imam Malik, l'imam Ahmed, il s'est trompé, normal, mais vraiment comme si c'était son ami. Hein? Ah, tu vois, l'autre, il s'est trompé, hein? Normal. Mais par contre, quand tu parles de l'Albani ou de gens contemporains, hein, de l'Albani, de Ben Baz, de l'Uthaymin, de tel chouïr, khalas. Khalas, comme s'ils se désavouaient. Ils se désavouaient de toi. Ça, c'est un qalb al-mawazin, ça. Ça, il a un problème, celui-là. Hein? L'imam Malik, l'imam Ahmed, qui connaissait 800 000 hadiths, est capable de dire, oh, mais ceux-là, moi, je ne les qallate pas. Par contre, quand c'est un contemporain, hein, il te dit quoi? Il te dit directement, non, non, non, tu dois le suivre. Ou alors, il fait attention, il dit, non, non, celui-là, en vérité, il cherche les problèmes. Non, non, celui-là, en vérité, c'est un moubtadi'. Non, non, ça, là, on ne l'a pas, ça. Ça, on l'entend, ça, malheureusement. Hein, tu ne suis pas un de leurs chouyours directement, tu es un moubtadi'. D'où ça existe, ça? D'où ça existe? Toi, tu es attaché à qu'Allah, qu'al Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on continue, inshallah. Donc, vous avez bien compris, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a donc bien expliqué cette mas'ala. Il a ramené la qual de ulama. Mais il te dit, wa fihi ashiya ghariba. Il te dit, mais attention, il y a des choses qui sont étranges dedans. D'accord? C'est-à-dire dans le passage où Ibn Hajar, rahimahullah alayhi, a rapporté les paroles des savants. ذكرها بعض العلماء على أنها من الأسماء qu'il y a des savants qui ont mentionné que c'était des noms d'Allah وهي بعيدة عن أن تكون له أسماء أن تكون أسماء له. Il dit, mais ça c'est baïd, ça c'est loin que c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit peu d'ijtihadat et peut-être même qu'il a ramené le aqwal des asha'ira. Il faut voir. D'accord. طيب وسبب هذا الاختلاف في عد الأسماء أنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ça tu vas le prendre comme règle في عدها بالتعيين ولو صح لما بقي كلام لأحد بعد ذلك ولكن لعدم الصحة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثر الاختلاف والاضطراب في تعيينها voilà il te dit le sabab de ce khilaf c'est ça la règle le sabab la cause de ce khilaf qui existe sur comment dirais-je, sur Ad al-Asma, sur le compte, hein, le fait de compter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il n'y a pas un hadith qui était sahih sur cela. C'est pour ça qu'il y a un khilaf, vous avez compris ça, Inch'Allah. Et s'il y avait un hadith clair sur le nombre exact, d'accord, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait pas de kalam après celui du prophète, alayhi salatu wasalam. Vous avez compris ça, Inch'Allah. طيب. Ensuite, il dit, قال المؤلف رحمه الله ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك أنواع. Il te dit ensuite le مؤلف رحمه الله تعالى الشيخ العثيمين te dit le fait qu'il n'y a pas eu le ta'yin, c'est-à-dire le compte exact du prophète عليه الصلاة والسلام, les salafs ils ont également divergé sur cela. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن كتاب الله جزاه الله خير. الشيخ العثيمين qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi maintenant j'ai réuni ce que j'ai vu du Coran, hein, et de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ces asma là, inshallah, c'est les asma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier, Allah الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن الباري البر attention pas le bir البر donc si tu vas appeler ton fils tu dis Abdul Bar et pas le bir c'est la piété. طيب البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي la compassion, hein, al-hafi. Innahu kana bi hafiyya, comme Ibrahim a dit. Al-hafi, al-haq, al-mubin, al-hakim, al-halim, al-hamid, al-hay, al-qayyum, al-khabir, al-khaliq, al-khallaq, al-ra'uf, al-rahman, al-rahim, al-razzaq, al-raqib, al-salam, al-sami', al-shakir, al-shakur, al-shahid, al-samad, al-alim, al-aziz, al-azim, Allahu Akbar, al-afu, العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار لله الواحد القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور attention avec le كسرة المصور le dessinateur celui qui dessine et subhanallah Allah comment il dessine les visages عجيب tous les visages sont différents tu dis عجيب un qui ressemble pas à l'autre Allah subhanallah subhanal khaliq المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع إلى مين الوارث؟ عجيب الوارث الوارث ولا بيه عجيب طيب جو واخص إن شاء الله الوارث الواسع الودود الوكيل بس كنت أقول كيفين خلاف سوى سنو الله الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب Donc on n'a pas Al-Muntaqim. Al-Muntaqim, le vengeur. On ne l'a pas ici. La fois où il y avait un qui m'avait posé la question, il ne fait pas partie ici des noms d'Allah. Inna min al-mujrimina muntaqimun, Allah a dit dans le Coran. Taïb, Al-Muntaqim, il ne rentre pas. Wallahu ta'ala alam, il ne rentre pas. Al-Sharh. ويلاحظ أننا رعينا في ترتيب الأسماء أن تكون على حروف الهجائية وهي ألف با تا ثا وليس الحروف الأبجدية وهي أب أبجد هوز طيب وقد جمعنا بين الحق المبين والحي القيوم والأول والآخر والظاهر والباطن لوروده هذا في كتاب الله طيب تجي لا نمي لنو مي باغ اورد الفابيتيك داكور Mais attention, il y a plusieurs ordres alphabétiques. Il y a Alif Batatha et il y a le Abaja, Abajadal. D'accord ? Abajadal, Taïb. Ou l'Abjadiyya, comme il l'appelle. Il y a le Hurouf, l'Hijaïya. Il y a le Hurouf, l'Abjadiyya. Lui, il n'a pas mis sur l'Abjadiyya, il a mis sur l'Hijaïya. C'est-à-dire, des fois, on dit Al-Haq al-Mubin. Pourquoi ? Parce qu'on ajma entre les deux et on ne fait plus attention à l'ordre alphabétique. Pourquoi ? Parce qu'il est venu comme ça dans le Coran. الأول والآخر. Vous avez compris ça, inshallah. Donc il يجمع. Ensuite il dit والأدلة على هذه الأسماء من القرآن كما يلي. الله أدلته من القرآن كثيرة. بسم الله. الأحد قل هو الله أحد. الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. الأكرم اقرأ وربك الأكرم. الإله وإلهكم إله واحد. الأول والآخر والظاهر والباطن كما في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. مفهوم سيد سورة الحديد الباري هو الله الخالق الباري المصور البر إنه هو البر الرحيم البصير هو السميع البصير التواب إن الله التواب الرحيم الجبار العزيز الجبار الحافظ الله خير حافظ خير حافظا الحسيب وكفى بالله حسيبا الحفي إنه كان بي حفيا وهذا في الحقيقة عندي فيه شيء من التردد ولا سبحانك شو مشيغتي sur celui-là t'es dit là j'ai un taradud j'ai une hésitation Cheikh Al-Uthaymeen t'es dit j'ai une hésitation pour le fait il y a de l'eau ici pour le fait de donner ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il dit ça il dit لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدا regardez subhanallah le wara' regardez la crainte qu'avait Cheikh Al-Uthaymeen, rahimakallah. Cheikh Al-Uthaymeen, taïb. وَلَيْسَ مِنْ الْأَسْمَى لِوْرُودِهِ مُقَيَّدًا Il te dit, celui-là, j'ai une hésitation de lui donner le nom comme ça dans l'absolu. Yani, Hafi, Al-Hafi. Pourquoi ? Parce qu'il te dit, c'est Ibrahim qui a dit ça, alayhi salam. إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا Mais, c'est Ibrahim qui a dit ça sur lui-même. Et pas mutlaqan. Il n'a pas dit absolument. Il a dit innahu kana bi hafiyya. Et Ibrahim, c'était quoi son nom ? C'était Al-Khalil. Vous avez compris ? Et lorsqu'il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a de la compassion envers lui, a beaucoup de gentillesse et beaucoup de douceur, Al-Hafa, c'est un terme qui est vraiment innahu kana bi. Par le fait qu'il a khassas, par le fait qu'il a spécifié à lui, Sheikh a eu peur de le donner pour tout le monde. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Mashallah, ça c'est le wara du cheikh. Donc celui-là, Hafi, hein, tu dis comme a dit cheikh, la base. Al-Qayyum, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Haq, wa ya'lamuna anna Allah huwa al-Haq al-Mubin, Al-Hakim, wa huwa al-Aziz al-Hakim, Ghafurun Halim, Al-Hamid, ila sirati al-Aziz al-Hamid, Al-Hayy al-Qayyum, Allahu la ilaha illa hu, Al-Hayy al-Qayyum, ils ont retalef si ce verset-là, ils ont retalef si Al-Hayy al-Qayyum faisait partie des Asma'ullah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les noms l'A'zam, bismihi l'A'zam, s'il était Al-Hayy al-Qayyum. Et c'est un khilaf qui est long entre les savants et qui est large. À la kulli hal, en vérité, le nom azim d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains disent que c'est Allah, d'autres disent que c'est le Hayyul Qayyum. Ça, peut-être que Cheikh va citer cette question-là. À la kulli hal, à partir du moment où toi, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala avec ikhlas, et vraiment. Et avec khudu' et rujou', avec recueillement, hein, tu appelles vraiment Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, de tout ton cœur, du fond de ton cœur. Sache une chose, c'est que, inshallah, c'est le ism al-a'zam avec lequel tu appelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de versions des hadiths, et dedans, tu retrouves, c'est vrai, le hayyul qayyum, tu retrouves Allah, tu retrouves plusieurs, voilà, qui, des fois, tu ne vas pas forcément retrouver les mêmes noms. Donc, les ulama en ont déduit qu'à partir du moment où la personne appelle Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement du fin fond de son cœur, hein, inshallah ta'ala, le nom qu'il aura utilisé, ça sera le nom al-a'zam. Fahimtum ikhwan? Ça sera le plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un khilaf quand même sur ça. Al-Hayyu al-Qayyum, il y a aussi Yadal Jalali wal-Ikram. Il y a un hadith kharij sahihain qu'on avait appris. Al-Idhu biyadal Jalali wal-Ikram. Al-Idhu biyadal Jalali wal-Ikram. C'est-à-dire appeler Allah subhanahu wa ta'ala, mais vraiment forcer l'appel avec quoi? Avec Yadal Jalali wal-Ikram. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala Yadal Jalali wal-Ikram. Masha'Allah. وهو اللطيف الخبير الخالق الخالق الباري الخلاق. طيب يا فرق entre الخالق الخلاق. إن ربك هو الخلاق العليم الرؤوف إنه بهم رؤوف الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرزاق إن الله هو الرزاق الرقيب وكان الله على كل شيء رقيبا السلام السلام المؤمن السميع إنك أنت السميع العليم الشاكر وكان الله شاكرا عليما شاكر. C'est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah reconnaît les bienfaits aussi de ses serviteurs. Et il remercie ses serviteurs. Il a remercié Allah, subhanahu wa ta'ala, les prophètes qui ont été, malheureusement, on va dire, ont été insultés. D'accord ? De menteurs et d'imposteurs et de sorciers, etc. Mais comment il les a remerciés, Allah, subhanahu wa ta'ala ? Par le fait que à chaque fois que tu cites leur nom, qu'est-ce que tu dis ? Alayhim as-salatu was-salam. Subhanallah. Il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala la femme qui a donné à boire au chien. Vous connaissez le hadith, la prostituée qui a donné à boire au chien. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a effacé tous ses péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu fais une œuvre sincère pour lui, Allah te remercie. Et il te remercie par le plus grand des jazas. Et s'il y a bien quelqu'un qui remercie, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, Allah, lorsque par le fait qu'il s'appelle Ash-Shakir, par le fait qu'il s'appelle Ash-Shakir, toi, dis-toi une chose, c'est qu'Allah, lui, compte tes œuvres et il te remerciera, subhanahu wa ta'ala. Parce que ce nom-là, il l'a, il le détient, Allah, subhanahu wa ta'ala, détient ce nom-là, mais sous la plus belle des formes. Vous avez compris ? Nous, des fois, ton fils, ta femme, tes proches, il est possible que, quoi, il est possible qu'il te remercie, il est possible qu'il soit reconnaissant envers toi, et il est possible qu'il ne le soit pas. Sa'alala. Tandis qu'Allah, c'est impossible. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. Il a compté la parole de La ilaha illallah. Vous connaissez le hadith al-Bida'a, celui qui a dit La ilaha illallah, et il pensait ne pas avoir d'œuvre. D'accord ? D'accord ? Attention, on ne va pas revenir sur ça, hein. Taïeb, on a bien compris. Ça, c'était quelqu'un qui pensait qu'il n'avait plus rien. Ma faume, il avait. Voilà, il avait. La ilaha illallah. La ilaha illallah, il l'a dit avec yakin et amila biha. D'accord? Amila biha. Il a amal avec la ilaha. Taïeb. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a remercié. Il a remercié le Houdhoud. Le Houdhoud, l'oiseau, là, la huppe, qui a, comment dirais-je, qui a défendu son tawhid. D'accord ? Il l'a remercié comment, Allah subhanahu wa ta'ala ? Comment il l'a remercié ? Par le fait que le Houdhoud, tu n'as pas le droit de le manger. Et tu n'as pas le droit de le tuer, tu n'as pas le droit de le sacrifier. Pourtant, c'est un oiseau. Les oiseaux, ils sont halal. Hein ? Pas les rapaces, mais les oiseaux, ils sont halal. Ceux qui ont les cerfs, c'est haram. Mais ceux qui ont... qui n'ont pas cela, en dehors de cela, c'est halal. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala, il a remercié le Houdhoud comment ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer le Houdhoud. Pourquoi ? Parce qu'il a défendu son tawhid. Subhanallah. Imaginez-vous Allah comment il remercie ses serviteurs. Imagine-toi, toi, tu as appelé au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as réussi à faire rentrer des gens dans l'islam. C'est pas une ni'ma ça. Hein ? Subhanallah l'adhim. Et que tu fais quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu donnes ce qui est le plus cher pour toi, à tes yeux, pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te donnera la chose la plus chère. Celui qui donne son âme pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'Allah lui donne ? Il lui donne quoi ? Il fait en sorte, Allah subhanahu wa ta'ala, il le mettra qarib. Il le mettra en dessous de son arche. En dessous de son arche, il y a quoi Allah subhanahu wa ta'ala ? Il y a le firdaus. Subhanallah. Al-Firdaus, le plus haut des paradis. Nassallah an yaj'alana min al-Firdaus, ikhwan. Wallah, ça devive. C'est des soucis, les frères. C'est des machakils, les femmes, les enfants, les malades. Un jour t'es bien, un jour t'es pas bien. Un jour t'as de l'argent, un jour t'as pas d'argent. Un jour t'as ceci. Un jour il y a un mort, un jour il n'y a pas de mort. Un jour. Que des. Liyabluwakum. Liyabluwakum, ayyukum ahsana. La vraie vie, c'est pas ça, ikhwan. La vraie vie, les sahaba, ils l'ont compris. La vraie vie, les sahaba, ils étaient en quoi ? Soit ils étaient fait le djihad, ou soit ils étaient fait le ta'lim. C'est vrai ou c'est faux ? Ça aussi, hein. Quand on parle des razawats, maintenant c'est devenu un sujet tabou. Hein, tu parles des razawats, des batailles du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. C'est le plus grand guerrier qui a connu l'histoire, le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Toute sa vie, c'était da'wa ila tawhid, wa ila mada, ou le djihad, fi sabilillah. Ça, alala. T'as bien, viens, chut. Amal, voilà. On revient sur quoi ? Pas d'amal. Vous comprenez maintenant les fondements ? Chut, reste chez toi, bouge pas. La laïcité, mais hein, islam maintenant. On t'a inventé un laïco-islam. Un islam laïque. C'est comme ceux qui disent, on est musulman, mais on n'est pas pratiquant. Taïb. Islam, ça veut dire soumis. Je suis soumis, mais pas pratiquant. Tu pratiques quoi alors ? La soumission ? Falsafa, ya akhwan, wallah, c'est de la philosophie. Tayyib, on vous parle de quoi ? Hein ? On vous parle de ces sahaba, radiyallahu anhum. Ces gens qui ont donné tout pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallah, al-azim, ils ont donné tout pour Allah, ces gens-là. Soit ils étaient fil ghazawat, ou soit ils étaient fil ta'lim. Soit ils partaient en da'wa, fil Yémen. Et ils partaient comme Mu'ad ibn Jabal, quand le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il l'a envoyé. Hein ? Naam, il a envoyé qui ? Il a envoyé Mu'ad. Mu'ad, a'lam al-nas bil halal wal haram. C'était Mu'ad. Hein, il a envoyé Ali, radiyallahu anhu. Abu Bakr, il a envoyé aussi des gens. Subhanallah, minna wa hunak. Min huna wa hunak. Rahmatullah alayhim wa radiyallahu anhu. C'était des vrais hommes. Abu Bakr ibn Jarrah, Abu Ubaid ibn Jarrah, il est rentré chez lui. Vous savez ce qu'il a trouvé chez lui ? Il a trouvé un bouclier et un sabre ou deux. Il a dit, il les a repris, il est reparti. Il est rentré comme ça un jour de voyage, il a revu, il a dit, je repars. Hein? Subhanallah al-Azim. Zubayr ibn Awam. Un jour, il a voulu faire le rousl. Et il s'est mis torse nu, et il y a des gens qui l'ont vu. Il y a des gens qui l'ont vu, ils ont dit, de ses chevilles jusqu'à ses épaules, il n'y avait que des cicatrices, partout dans son corps. Il se dit, tout celle-là, je les ai fait fils à Bilillah. Il a dit, ce corps-là, il a été fils à Bilillah. Inch'Allah, qu'elle soit lumière pour lui, Yawmul Qiyamah. Subhanallah al-Azim. Regardez, des gens, ils ont tout. Et c'est pour ça que celui qui donne son âme pour Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah lui donne la plus belle des choses. Il fait en sorte qu'il se rapproche de lui. Was-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun fi jannati an-na'im. Plus tu as été proche, plus tu as donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu seras proche et plus tu verras mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le verras par rapport à ton iman que tu as eu. Tu le verras par rapport au amal que tu as eu. Amal, amal. Respect. Tu verras par rapport à quoi? Au amal. Et non pas ceux qui te disent, la ilaha illallah et sans amal, masha'Allah. Hein? Si ce n'est pas l'irja, ça, je ne sais pas c'est quoi. L'irja, il faut qu'on révise la aqidah. Il faut qu'on revienne en arrière. Hein? Allah musta'an. Donc, regardez, plus l'insan y'amal, plus Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une place qarib minhu jiddan. Fait des du'as. Le prophète sallam dit, si vous demandez le Jannah, demandez quoi? Demandez Al-Firdaus, car c'est le plus haut hein, des niveaux. Regardez les sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était ça leur vie. Soit da'wa, soit elle était fil ghazawat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, regarde qu'est-ce que tu vis là. Ils aiment l'islam, les gens? Moi, je vous pose la question. Celui qui n'est pas musulman, bien sûr. Moi, je parle des gens, en général. Ils aiment le dîn. Ils aiment voir ta tête, là, avec ta lahya, comme ça. Ils aiment ou pas? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'ils aiment, eux? Ils n'aiment pas. Taïb. Mais ils aiment le dîn. Ça, là, là. Taïb, t'es là. Toi, tu veux... Toi, tu crois que tu vas t'instaurer dans une société. Tu vas faire ta vie. Tu vas être... Ça, de plus en plus de sociétés, ils rejettent. Rejettent le vrai islam. De plus en plus de sociétés. Ou alors, ils veulent quoi? Ils veulent un islam, mais que fait dhahir. Que quoi? Hein? Que en apparence. Que en apparence, c'est-à-dire l'ahya. Ça, à la rigueur, ils peuvent peut-être l'accepter. Mais sinon, les sociétés dans lesquelles on vit, ils n'acceptent pas l'islam. Et ils savent que c'est ça le khatar, al-nas. C'est vrai ou c'est faux? Ils savent que c'est ça le khatar. Ils savent que c'est ça le danger. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis, quoi? Au système. Toi, toujours, tu as des problèmes avec le système. Tu n'as pas remarqué? Hop, riba, t'as un problème. Si c'est pas riba, c'est autre chose. Hein? Et toujours, dans toutes les mu'amalates, dans toutes les transactions, dans tous les trucs, il y a toujours un problème. C'est vrai ou c'est faux? Ah, subhanallah, laissez-nous aller vivre dans un endroit et on fait notre islam. C'est ça que t'as envie de dire. C'est vrai ou c'est faux? À un moment, t'as envie de t'écarter de tout le monde. Un endroit où il n'y a plus de papier. Un endroit où il y a une vraie terre, hein, des muhajirin. Et on peut s'asseoir entre frères. Et on a ta'allam dinana. Et wallahi, alhamdulillah. Il y a des gens qui arrivent à vivre ça. Dans certains endroits de la planète, wallahi alhamd, et l'insan, wallahi alhamd, il sait pour qui il fait ça. Surtout, les frères, sachez une chose, c'est que l'islam, il est combattu partout. Fi bilad al-kufr, wa fi bilad al-islam. Et même dans les duels qui se disent musulmans. Wallahi li muharab. Même en Saoudia, je veux prendre le pire des cas, je ne parle pas de nos pays. Même en Saoudia, les chouïrs nous ont dit, l'islam, il est muharab ici. Subhanallah. Comment? Les libéralistes. Ils sont rentrés, ils ont pris les postes clés, et voilà. Ils sont en train de changer les trucs, mettre des qawanin, enlever les autres qawanin. Ouais, ça c'est trop dur. Ah, la femme, non, faut libérer la femme. Elle n'a le hijab, elle conduit. Commence par là. En vérité, c'est pareil. Ils veulent commencer par le permis de conduire, et à la fin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gagne le hijab, à la fin, elle fait quoi? Elle safar toute seule. Eh ben oui, elle a le droit de conduire. Donc elle peut faire safar toute seule, etc., etc. Il y a des conservateurs qui veulent garder encore ça, mais la pression elle est trop forte. Pourquoi? Harb ala l'islam. Ton dîn il est menacé. Celui qui dit la ilaha illallah, Allah il dit ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah satakunu maftunan. Tu vas être éprouvé pour ce dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais retenez ce nom-là, ash-shakir. Moi, j'insiste bien sur ce nom-là. Malgré qu'alhamdoulilah, il y a tous les noms d'Allah. Mais Shakir, Shakir, celui qui reconnaît les œuvres et celui qui remerciera tes œuvres, c'est qui? Et qui reconnaîtra tes œuvres et qui te donnera un grand jaza de par rapport à tes œuvres, c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, et toujours ce yaqin-là dans ton cœur. Il y a Shakir, il y a aussi Shakur. C'est plus fort que Shakir. D'accord? Fa'oul, ala wazn fa'oul. Hein? Hein? Quand tu dis qu'il est précisé, vous voulez spécifier le nom, il faut qu'il y ait la chose avec. Mathalan, avec Ibrahim. Innahu kana bi ana hafiya. Là, d'accord, tu peux dire qu'il est muqayyad. Mafoum? Mais Shakir, là, il est mutlaq. Sah? Il est absolu. Inna Allah, le verset, wa kana Allah shakiran alima. Il est muqayyad bi shay? Est-ce qu'il est muqayyad bi shay? Il est précisé avec quelque chose? Non. Pareil, innahu Ghafourun Shakur. Taïb. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. Donc aussi, on a le. Il n'est pas Taïb. Il n'est pas précisé avec quelque chose. Wallahu ala kulli shayin shahid. Taïb, il a tous les asma. Hein? Oh, Mashallah. Alors, al-warithun, taïb, wa nahlu al-warithun. D'accord? Wa nahlu al-warithun. Allahu alam, ikhwan, je vais regarder s'il n'y a pas un khilaf. Mais bon, Cheikh, il le dit ici, le warith, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Bon, vous les avez tous là. C'est bon, on les a tous pris là. Khalas. On va les lire quand même. Alhamdulillah, natabarak bi qira'a al-Qur'an. Al-Shahid, wallahu ala kulli shayin shahid. As-Samad, Allahu as-Samad. As-Samad, il y a cinq aqwal de ulama dessus. Qu'est-ce que as-Samad? Qu'est-ce que as-Samad? Alladhi la jawfa lah, celui qui n'a pas de ventre ou de jawf ou d'intérieur. Il y a plein de paroles, al-Muhim, ala kulli hal. As-Samad, alladhi tasmudu ilayhi al-ashya. C'est aussi celui vers qui revient toute chose. Vous avez compris? As-Samad. Donc as-Samad, il y a cinq qawl de ulama des fois pour expliquer la ma'na. Pour expliquer quoi? Pour expliquer la ma'na. Al-alim wa kunna bi kulli shay'in alimin. D'accord? Des fois, lorsque ça vient au pluriel, c'est une manière de parler en arabe. D'accord? Quand ça vient au pluriel, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun, c'est nous qui avons descendu le rappel. Ici, quand il dit c'est nous, c'est min ta'zim. Vous avez compris ça, inshallah? C'est min bab ta'zim, ça veut dire c'est par ta'zim, comment on dit? Hein? Munificence. Munificence. Tu vois, on va trouver un terme comme ça. On a été jusqu'au bac et encore. On est arrivé au bac, on est sorti. Comment on est rentré? Hein? La grandeur, aïwa. Par la grandeur. Et d'ailleurs, il le faisait avant, même dans les lettres des rois. Et nous vous avons dit de faire telle chose, alors que, en vérité, il y avait que lui qui écrivait. Hein? Et nous vous ordonnâmes de ceci, et nous ordonnâmes. Vous avez compris? Il parlait comme ça, les rois. C'est une manière de parler, c'est une bab at-ta'zim. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs, comme certains l'ont cru, hein? Et certains qui n'ont rien compris, M'sakin. Ils ont cru que c'était plusieurs dieux, n'importe quoi. Pourquoi il dit Allah, il dit nous, hein? C'est une bab at-ta'zim, yahi. Ça, c'est une manière de parler. En hébreu, on parle comme ça, et en arabe, on parle comme ça. Et même en français, en ancien français, on parle comme ça. Mais le fait qu'il y ait eu la laïcité aussi, ça c'était un... parce qu'avant il y avait les rois. Donc, comme il y avait les rois, il y avait cette manière de parler. Vous avez compris? Mais le jour où il n'y a plus les rois chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Khalas, maintenant c'est le je. Hein? C'est je vous demande telle chose et je. Il n'y avait plus ce ta'zim là. Vous avez compris, inshallah? Taïb. العالم وكنا بكل شيء عالمين العزيز وهو العزيز الحكيم العظيم وهو العلي العظيم العفو إن الله لعفو غفور العليم وما تفعل من خير فإن الله به عليم العلي وهو العلي العظيم الغفار إني لغفار لمن تاب سبحان الله سبحان الله celui qui tube الله il est غفار il dit إني لغفار إني là ici le lam ici c'est le lam المزحلقة c'est ça veut dire et je suis vraiment pardonneur pour celui qui me demande le pardon. Donc toi, Yahi al-Karim, lorsque tu fais des péchés, ne te dis pas que ne vienne pas cette idée diabolique de Shaitan et qui te dit allez, toi t'es un menteur, dans ta foi tu es un menteur, toi tu vas aller en enfer, toi ceci, toi ça. Ça c'est une idée diabolique, il veut te faire désespérer quoi de la miséricorde d'Allah. Mais il ne faut pas non plus trop jouer avec les péchés. Il faut avoir un équilibre. C'est-à-dire, quand tu as fait, tu dis Astaghfirullah, Ya Rab. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te corriger. D'accord? Et ne te dis pas que c'est vraiment un problème dans le sens où, si toi, dans le temps, tu ne te corriges pas, oui, là, il y a un problème avec ta parole. D'accord? Surtout si tu le fais le plus, le péché. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais le péché et tu demandes pardon. Et demain, tu fais le double. Et tu demandes pardon. Là, il y a un problème. Il y a vraiment un vrai problème. Ça veut dire que tu as délaissé des grandes œuvres. Tu as délaissé, par exemple, la prière à l'heure. Ou alors, tu as délaissé peut-être un certain équilibre de foi que tu avais. Qira'at al-Qur'an, etc. Vous verrez, hein, c'est quand on enlève les bonnes habitudes religieuses, quand tu les enlèves, c'est là que vient Shaitan. C'est là qu'il s'installe. Parce que, les frères, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas t'es neutre comme ça. Nous, on n'est pas des bouddhistes. Hein? On n'est pas des gens qui font comme ça. et qui restent comme ça et qui sont neutres. Astaghfirullah. Non, mais c'est vrai. Pourquoi j'insiste bien sur ça? On n'est pas comme ça et on reste comme ça. On médite. Non, il n'y a pas de ça, nous. Nous, c'est quoi? C'est soit tu œuvres, soit tu es en siyam, tu es en qiyam, tu aqras le Coran, tu es en dars, etc. Ou soit tu fais rien. Mais en vérité, quand tu fais rien, tu es en train de régresser et là, tu es en train d'ouvrir la porte du péché. Iblis, lui, ne te lâche pas. Allah, il dit « Fattakhiduhu aduwa ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ne fais plus d'amal, c'est Iblis qui vient. Vous avez compris? Tu n'es plus dans l'amal, Iblis, il vient direct. Pourquoi on a 5 salawat par jour? Entre ces salawat, Iblis, il vient direct. Et il ne te lâche pas. Et il se bat contre toi. Mafoum, lui, il a compris c'était quoi le combat. Mais toi, est-ce que tu l'as compris? Mafoum, Iblis, il faut l'écraser. Ah, tu m'as fait ça? Attends, tu vas voir. Hein? Il faut l'écraser, Iblis. Comment tu l'écrases? Tu l'écrases avec le Coran, tu l'écrases avec le dhikr, tu l'écrases avec... Hein, quand on dit tu l'écrases avec le Coran, on s'est compris. On a bu ma'ana, tu combats. Mafoum, mafoum, adab ma'al Coran, yani. Taïb. Donc, on se bat contre Iblis parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a pas simplement dit que c'était un adou, mais il nous a dit de le prendre comme quoi? Comme ennemi. Il nous a dit de le prendre comment? Comme ennemi. Et ça, c'est le devoir de tout musulman. Taïb, ne te dis pas il y a la neutralité. Là, à partir du moment où il y a un vide, Iblis y vient. Taïb. Toute ta famille dort. Là, tu es tout seul. Mais tu es réveillé, tu n'arrives pas à dormir. Soit tu vas obéir à ton Seigneur, ou soit tu vas le désobéir. Et souvent, c'est la nuit. Et souvent, c'est la nuit, les frères. Et moi, j'insiste bien. Souvent, c'est la nuit. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il n'y a plus personne qui te voit. Parce que tu penses que tu vas pouvoir faire des choses, hein, et que tu vas les faire tranquillement. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourquoi alors Allah subhanahu wa ta'ala, il répète dans des versets, « Innahu bi kulli shay'in basir, alaysa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir, Allah subhanahu wa ta'ala, yara kulli shay. » Allah voit tout. Du haut de ses 7 cieux, Allah voit tout, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe dans ce monde. Regardez, alors là, soit elle va obéir sincèrement à Allah, et c'est là que c'est dur de prendre un Coran, et c'est là que c'est dur de prier. C'est vrai, c'est faux. Ou alors il va le désobéir. Allez, vas-y, on regarde la télé. Hein, comme beaucoup, là, ils ont un diable à la maison. Oh là, c'est un diable à la télé, la haqiqa. Hein, allez, hop, je regarde la télé. Et hop, il commence à zapper. Ah, tiens, hein, un reportage. Après, il voit une chaîne. Ah, oh, voilà, il avait quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. Hop, ah, tiens, encore un autre, et khalas, et khalas. Et après, il rentre dans des choses, a'udhu billah. Il a vu une chose, et khalas. Ça existe ou ça n'existe pas? Bon, wallah, j'ai eu des plaintes sur ça. Hein, surtout sur Internet. Surtout sur Internet, le diable d'Internet. Maintenant, Internet, tu peux l'avoir. Avec ton portable, tu peux l'avoir partout. Hachakoum, même des gens, ils rentrent dans le hammam avec Internet, ils restent sur son portable, ils restent des heures sur Internet, il est là, comme ça. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Il croit qu'Allah, il ne le voit pas. Pas Internet, c'est haram. Mais écoute des doros. Utilise-le dans la ta'a d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, l'utilise pas. Sinon, jette-le. Sinon, achète les portables. Là, t'as vu, à 20 euros, là. Taïb, tu l'achètes et khalas. T'écoutes, allô, on t'a appelé, c'est tout, khalas. C'est tout, juste pour avoir le contact avec elle. Sinon, si c'est pour rester tout le temps sur Internet, ne plus parler avec sa famille. C'est vrai, les frères, faut faire attention. Il y a des gens, maintenant, c'est que du virtuel. Même quand t'es avec lui, c'est du virtuel. Il te regarde pas. Ouais, ok, ouais, ouais. Ouais, il regarde tout le temps, il a son portable comme ça. C'est vrai ou c'est faux? Taïb, non, c'est pas bien ça. Ça, c'est pas un adab. Surtout si t'es invité chez lui. C'est vrai? Il vient, il t'a invité à la maison et toi, t'es comme ça. Ouais, ouais. Et khalas. Là, ça, tu le fais 5 minutes. Tu regardes vite fait tes messages. Si t'es, machallah, hein, on t'a demandé des choses. Mais la base. Mais pas tout le temps. Il y a des frères, wallah, tout le temps, ils sont sur leur truc. Ils connaissent plus personne. Et ils parlent et ils font deux choses en même temps. Et c'est pas possible ça. Hein, c'est pour ça qu'après, il a beaucoup d'oubli. Ouais, j'ai oublié de faire ça. Ah oui. Arrêtez, c'est pourquoi? C'est parce qu'il était concentré sur autre chose. Il faut mieux croire. Donc, moi, j'insiste bien sur ça, sur le fait que lorsque tu es tout seul avec Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il y a le calme, il n'y a pas plus laviv, il n'y a pas plus, yani, plus savoureux, d'accord, que de se recueillir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous n'avez pas remarqué, quand on est proche avec Allah, quand on est proche d'Allah, on l'invoque. On lui demande. Et on sent qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous répond. C'est vrai, c'est faux. Il nous répond dans la vie de tous les jours. Et c'est souvent lorsqu'on est éprouvé. C'est vrai, c'est fou. On est proche d'Allah. Pourquoi? Parce que le nefs, il est cassé quand il est éprouvé. Alors, il sait qu'il n'a qu'un seul refuge, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf qu'Allah veut ça tout le temps de toi. Même dans l'aisance, surtout dans l'aisance. Puisque Allah, c'est à ce moment-là qu'Allah te donne. Mais l'aisance aussi, c'est une épreuve, les frères. Ce n'est pas que dans la difficulté que tu dois reconnaître les bienfaits d'Allah. Souviens-toi comment tu étais. Souviens-toi comment tu étais dans la difficulté. D'accord? Et bien dans l'aisance, essaye de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. En donnant de ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. En donnant de ton argent. Parce que si c'est du temps, khalas, donne-le pour Allah. Si c'est de l'argent qui t'a donné Allah subhanahu wa ta'ala, donne-en pour Allah subhanahu wa ta'ala. طيب الغفور هو الغفور الودود الغني هو الغني الحميد الفتاح القادر القاهر القدوس على كل حال on va regarder juste sur celui المحيط المصور الواسع الوكيل الولي الوهاب طيب tout ça donc c'est les noms qui sont dans كتاب الله d'accord et là tu appliques toutes les règles qu'on a vues auparavant. Vous avez compris? Toutes les règles qu'on avait auparavant, chaque nom, tu le donnes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mafoum? Ensuite, il dit, قال المؤلف رحمه الله تعالى, ومن السن, ومن... On est arrivé à combien là? Combien il y en a eu là? 81? طيب. Ensuite, il dit, ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الجميل. إن الله جميل يحب الجمال. طيب. Et ce hadith-là veut dire, et ça je vous l'explique, إن الله جميل يحب الجمال. Un sahabi رضي الله عنه est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Il dit, est-ce que se faire beau, ça fait partie du kibr? Et le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit non. Il a dit, al kibru ghamt al nas wa ish wa hein? Le fait de rejeter le haq, mais je dis, mkhalafat al haq wa ghamt al nas. C'est-à-dire le fait de s'élever au-dessus des gens et quoi? Et rejeter la vérité. C'est ça le kibr. C'est relatif à quoi? Au cœur, le kibr, en réalité. Et ce n'est pas dans les habits. Sauf celui qui, par exemple, fait traîner ses vêtements en dessous de ses chevilles par ostentation. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui parlera pas yom al-qiyama. Il ne lui parlera pas yom al-qiyama et ne lui adressera pas la parole. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pas facile, hein, de parler. J'aimerais bien t'y voir. Hein. Vous avez compris ça, Inch'Allah, les frères? Donc, celui qui fait ça, hein, c'est gentil hein, quand je dis ça, hein, c'est pas méchant. On est des frères. Les frères, souvenez-vous de ce verset-là. Muhammadun Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashidda ala al-kuffar. C'est eux, les méchants. Hein? C'est pas tes frères, Yari. Ruhama ou bainahu, mahabba. Entre nous, c'est la mahabba. Il y avait un sahabi qui disait, j'ai mis la date dans sa bouche et je sentais sa halawa. Et je sentais son délice dans ma bouche. Je lui ai mis comme ça dans la bouche. Et quoi? Et je sentais le sucre là, dans ma bouche. Subhanallah. C'est ça l'islam. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. C'est ça le vrai islam. C'est ça le vrai islam. C'est quand tu es avec ton frère, tu sens qu'il est proche de toi, et que toi tu es proche de lui. Subhanallah. Et que dans toutes les galères, eh ben on est des frères. Alhamdulillah. Quoi qu'il nous arrive, on est quand même des frères. Et Inch'Allah ta'ala, on se met main dans la main. Vous avez vu les sahaba, radiallahu anhum, comment ils étaient? Subhanallah. Un jour, Omar ibn Khattab, il n'a pas vu Mu'adh. Il a fait salat al-fajr et dit, il est où Mu'adh? Et Mu'adh s'est levé. Il est venu le voir. Il dit, je suis là, il y a Omar. Il dit, Wallah, tu m'as manqué, viens là. Il l'a pris dans les bras. Allahu Akbar. Vous avez vu comment ils étaient, sahaba? Nous, tu as déjà fait ça, toi, ton frère? Ah, mon frère, tu m'as manqué, viens dans ton frère là. Et tu le prends comme ça. C'est vrai, c'est bon. On a déjà fait ça, nous? Ça va, Harry? Ouais, ça va. Ça? Hein? Ça va, ouais. C'est encore, il te fait un sourire. Même un sourire, Harry. Mais t'as pas hein? Ne sois pas avare, même sur un sourire. C'est ton frère, Harry al-Karim. On fait tous des fautes et des erreurs. Walakin. Ech. Astaghfir wa natubu ilayh. Taïb, j'ai des erreurs, viens me les corriger. C'est vrai, c'est faux. Pourquoi je viens, je leur. Non, mais c'est un khabith, lui. Hein. Ah, non, mais. Non, c'est pas des erreurs, il fait exprès. Tu sais, est-ce que tu sais qu'il fait exprès? Essaye de recoller les morceaux, subhanallah. Donc, Al-Jamil, yuhibbu ish, Al-Jamal. Donc, ana ushidu, Allah subhanahu wa ta'ala, je prends Allah en témoin que tous les frères qui, alhamdulillah, ils viennent et inshallah ta'ala ils prennent la peine de nous écouter et de venir même des fois de loin tout ça faire des kilomètres. Wallahu uhibbuhum fillah. Wallahi c'est parce qu'il y a des gens comme ça, wallahi alhamdulillah, que ça nous donne encore un petit peu de par Allah d'abord, par la grâce d'Allah, thumma par ses frères qui nous donnent un petit peu de motivation. Sinon tous ont envie de rester chez nous, tous ont envie de rien faire. C'est vrai, c'est bon. Lakin non les frères, faut se motiver à faire quoi? À faire le khir. Et moi u'linu mahabbati lakum fillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je dis uhibbukum fillah, et vous devez répondre quoi? Ahabbakallah alladhi ahbabtani min ajlihi aw lahu. Après tout le reste, les défauts que j'ai ou qu'on a ensemble, on se les corrige inchallah. Mafhoum? Tayeb, al-jamil, donc inna Allah al-jamil yuhibbu al-jamal. Ensuite, hein, al-jawad. Donc tu peux dire Abdel Jawad. Al-Hakam. C'est le Hakam, attention avec le Fatha. Al-Hayyi. Attention, c'est pas le Hayyu. C'est le Hayyi. Hein, avec deux ya. C'est Al-Hayyi, ça vient de Al-Hayya, la pudeur. Mafhoum, inshallah. Donc Allah est pudique. C'est ça? Il a de la pudeur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabbu. Donc tu peux dire Abdu Ar-Rabb. عبد الرب الرفيق السبوح السبوح السيد دكور السيد مفهوم الشافي الطيب القابض الباسط المقدم نعم المقدم انت المقدم والمؤخر نعم التحية مقدمة بكل ايش الكسرة المؤخر c'est اسم فاعل avec le kasra c'est اسم فاعل المؤخر المحسن محسن يا خلاف المحسن les frères il y a un khilaf sur le hadith est-ce qu'il est sahih ou pas d'accord Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad je crois qu'il a fait une risala sur المحسن et il le rend sahih je crois d'accord المحسن je crois qu'il le rend sahih son père il s'appelle Abd al-Muhsin المعطي il a défendu son père mashallah المعطي طيب et المنان طيب اي الوتر الوتر هذيك الفتحه ولا الكسره لا الوتر نعم نص هذيك الوتر الوتر طيب ساشي اون شوز aussi les frères نور نور il y a نور ou pas ici il y a pas ابن القيم اللي هو النور نور السماوات والأرض هنا يزون ديك سيتي نور السماوات والأرض إنو با نور تو سول نور السماوات والأرض يا خلاف سوق النور مفهوم يا خلاف سوق النور عبد النور سي بوغ سا كنطو عبد النور يا خلاف سوق طيب اون بلوس سبحان الله عجيب باسكو نور السماوات والأرض ريغاردي سا بو اتر سا بو بورتي ا كونفوزيون باسكو عبد النور لو سيرفيتور دو لا لوميير زي كومبري سا بو اتر سا بو بورتي ا كونفوزيون صح ولا لا ها ها طيب parce que le nour tu sais que c'est la lumière c'est quelque chose de créé ça le nour c'est quelque chose de créé mais pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accord mais il y a un khilaf quand même sur quoi sur nour est-ce que an-nour c'est un des noms d'Allah ou est-ce que c'est nour as-samawati wal ard vous avez compris il y a un khilaf et lorsqu'il y a un khilaf écarte-toi de ça va donner un autre nom il y en a quand même des noms là donne un autre nom ça le eh ben oui parce que souvent il y a des gens ils vont aller chercher quoi là où il y a le khilaf et hein lorsqu'il y a le khilaf خلاص al hakam fi qawlihi rasulullah fi qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam inna allah huwa al hakam al hayy fi qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam inna allah hayyun karim طيب les hadith là ici il y a le tasheeh en bas hein? ils sont sahih hein طيب ensuite al rab fi qawlihi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam أما الركوع فعظموا فيه الرب دونك سندينو الله سبحانه وتعالى وفي حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب السواك سي purification pour la bouche et quoi et un agrément d'Allah سبحانه وتعالى الرفيق إن الله رفيق يحب الرفق طيب سبوح قدوس ça c'est les deux noms d'Allah سبحانه وتعالى سبوح et القدوس aussi on l'a vu القدوس on l'a vu طيب السيد الله تبارك وتعالى السيد ها طيب après le معنى du سيد يعني ils ont dit que c'était بمعنى le plus élevé As-Sayyid dans le sens où Yemlik, par exemple, le meilleur en fait, As-Sayyid c'est le meilleur. Voilà, par exemple, Anna Sayyidu Waladi Adam, je suis le meilleur des fils d'Adam, As-Sayyid. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, Ahwa Sayyid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il est Sayyid, mais sa siyada lui, alayhi wa sallam, c'est par rapport au quoi? Aux êtres humains. Mais par rapport au khalq kamel, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Ahwa Sayyid. طيب الشافي اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما الحديد الرقية وانت الشافي اشفي انت الشافي الطيب ان الله طيب لا يقبل الا الطيب هذا سا حديث pour dire que Allah n'accepte pas les sadaqat qui viennent du haram d'accord ce hadith là tu prends comme dalil ان الله طيب لا يقبل الا طيبا donc Allah n'accepte que hein, de ce qui vient de ce qui est bon d'ailleurs Aïcha radiallahu anha prenait une pièce et mettait du musc dedans subhanallah. Et ils ont dit, mais pourquoi tu fais ça, Aïcha? Elle a dit, parce que je le donne d'abord à Allah. Allah Akbar. Ajib, subhanallah, comme ils étaient les sahaba. Ils vivaient leur foi. Et tu sens qu'ils étaient proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, Allah musta'an. On dirait quand on donne. C'est la foi, ça. Hein? Allah, ça, c'est l'iman. Ça, c'est l'iman. Il faut demander toujours à Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, ma jaddid l'iman fi quloubina. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الإخلاص وعلى الصدق القابض والباسط إن الله هو المسعر المسعر c'est celui qui donne les prix d'accord celui qui fait qui valorise les prix et ils le prennent comme hadith comme quoi tu n'as pas le droit de faire ce qu'on appelle vous savez là, le boycott etc ou monopoliser des choses. D'accord, ils le prennent aussi sur Adil. Innallahu al-musa'ir. Ça veut dire qu'il faut laisser les gens donner la valeur de la chose et non pas venir toi et imposer hein, une valeur. Ils prennent ce hadith-là pour dire ça. Innallahu al-musa'ir, al-qabidu al-basit. Al-qabidu al-basit. Donc ça, c'est des noms d'Allah. Wa dhalika fi hadith, sa'ara lana. Sa'ara lana, ça veut dire qu'il nous a donné un prix. Il a valorisé la chose. Sa'ar, c'est donner un prix, donner une valeur. المقدم المؤخر جاء في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر سيدنا التشهد طيب المحسن جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة مفهوم فأحسنوا القتلة طيب رجع ذي الحديث لا en dessous c'est quoi il dit رواه البخاري. Non, c'est lequel? Non, Tabarani, vous avez vu? Isnadu Hassan. Mafoum? Voilà, Isnadu Hassan. Lorsqu'un hadith il est Hassan, ça veut dire qu'il est en dessous de la daraja du Sahih. Donc il est muhtamel. Et c'est pour ça que là tu verras, et muhtamel, ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait un dhaaf, qu'il y ait une faiblesse. Celui qui va dire qu'il est complètement faible le hadith, il va venir avec quoi? Il va venir avec les dalils. Et celui qui va montrer qu'il est Hassan, il va venir avec les dalils. Même tout miroine. Quoi? Lui, il le rend chef? En dessous, là, oui, une chaîne. Al-Shahid. Walahu Shahid. Il n'est pas chef. Walahu. Bah oui, parce que chef, ça veut dire qu'il est daif. Et chef, c'est pas possible. Tu vois? Walahu, oui, voilà. Walahu Shahid min hadith Samoura ibn Jundub. Donc, Walahu Shahid, ça veut dire qu'il a un autre hadith qui le renforce. C'est ça, un Shahid. Ce qu'on appelle Shawahid al-Mutaba'at. Renfort, il est renforcé. Al-Mu'ti, j'a fi qawli, al-Muhim, on sait qu'il y a un khilaf sur celui-là. Al-Mu'ti, j'a fi qawli, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innama ana qasimun, wallahu mu'ti. Allah, c'est lui le mu'ti, c'est lui qui donne. Et le qasim, c'est celui qui partage. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam partageait les butins, etc. Et d'ailleurs, le prophète alayhi wa sallam, beaucoup de savants disent que tu n'as pas le droit de prendre le nom et la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed Abul Qasim. Si tu t'appelles Mohammed, tu n'as pas le droit de t'appeler, d'avoir un kunya Abul Qasim. Pourquoi? Parce que justement ce hadith là, innama ana Qasim. Mafoum? Et il y a un autre hadith, afoun. La tajma'u bayna ismi wa kunyati. Le hadith qui dit, ne prenez pas mon nom ni ma kunya. D'accord? Ou lié entre les deux. D'accord? Donc, c'est soit Abul Qasim et c'est quelque chose d'autre, mafoum comme prénom. D'accord? C'est ça, c'est sahih. Hein? Ou soit. Il s'appelle, ou soit il s'appelle, ou le contraire, mafoum, yani, tayyib. Mais pas Mohammed Abul Qasim, non. Ça, c'est spécifique à qui? Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas t'appeler Mohammed Abu Al-Qasim. Chez nous, ils disent Belgasim. Hein? Chez nous, ils appellent des fois Belgasim. Belkassem. Hein? Belkassem, ça vient de ça. Ils ont mangé le mot, hein, comme Bouzeïd. Là-bas, c'est Abu Zeïd. Hein? Tout ce que tu vois avec Bou ou Bel, en vérité, ils ont coupé le mot. Mais sinon, si tu regardes la fin du truc, ça prouve que c'était une kunya. Une kunya qui s'est transformée en prénom. C'est ça. C'est une kunya qui s'est transformée en prénom. Al-Mannan, ça c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith il est sahih, wala shak. Attendez. Il voit Abu Daoud. Il est sahih. Ya Mannan, badi'a samawati wal ard. Badi'a samawati wal ard. Badi'a samawati wal ard. Badi'a. Est-ce que le badi'a, est-ce que c'est un des noms d'Allah? Ça faut voir. Mais badi'a samawati wal ard, ça c'est un nom d'Allah. Mais al-badi'a, Allah wa'al. Madi. Faut voir. طيب, on l'a vu ça le badi'a ou pas? Regardez s'il l'a mis là. Abdel Badi'a. Il a mis. Non, il n'a pas mis Badi'a. Vous avez vu, il n'a pas mis le Badi'a. Pourquoi? Parce que des fois, il est muqayyid. Nour al samawati wal ard. Badi'a al samawati wal ard. Il est muqayyid. Vous avez compris? Donc, devenir avec le alif al lam, non. Mafoum? Vous avez compris? Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, le khilaf, il est souvent là. Vous avez compris? Ça, inch'Allah. Ça, c'est comme ça qu'on l'avait étudié. Al-Witr. Ja'afi, qawli al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وتر يحب الوتر صح خلاص هذا واضح الحديث طيب وفي إدخال الحفي وفي إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا ذلك ممكن بقول وفي إدخال الحفي يا كلام أنزولا طيب ولا ما وقلت ومما سبق يظهر أن الحفي ليس من أسماء الله. بون محقق دي سا المحقق c'est-à-dire celui qui a fait le tahqiq du livre, d'accord, qui corrige le livre, il dit ومما سبق يظهر أن الحفي ليس من أسماء الله تعالى والله أعلم ولم أرى أحدا ذكره في الأسماء والله أعلم. يعني il veut dire que de parmi les salafs, de parmi les gens qui étaient avant lui, bon, avant Naam. Et parmi les salafs, il ne voit personne dire que Al-Hafi fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, la ma'na, comme il dit ici, Ibn Abbas, latif, c'est le ma'na latif. Il est gentil, il est doux, il a la compassion. Taïb. À la kulihad, c'est un ijtihad, ça. Ça, c'est un ijtihad sur lequel on peut accepter le fait de dire Al-Hafi fait partie des noms d'Allah, parce qu'il est quand même cité dans le Coran, d'accord, ou alors le contraire, par le fait qu'il n'y a aucun salaf qui l'a appelé Hafi, et bien khalas, vous avez compris, inshallah. Taïb. Oui, c'est le ma'na Malik, le roi, yani. Khalli, on n'est pas à la page 83. On finit d'abord ce dars là et après je reviens sur la page 83. طيب وكذلك المحسن لاننا لم نطلع على رواته في الطبراني غير التواضع للشيخ وقد ذكره الشيخ الاسلام في الاسماء ثم وجدته في المصنف عبد الرزاق عن شداد بن اوس من اسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل ملك الملك ذو الجلال والاكرام. طيب أي أن أسماء الله تعالى منها ما يكون منفردا كالسميع العليم. طيب لا تدي كذلك المحسن aussi il a dit لم أطلع على رواته. Je n'ai pas vu ces rapporteurs qui étaient ces rapporteurs dans Tabarani, mais Cheikh l'Islam l'a mentionné et je l'ai retrouvé dans Musannaf عبد الرزاق عن شداد بن أوس من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل. Et il y a aussi des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mudaf, malikul mulk, d'accord, ou alors dhul jalali wal ikram. Vous avez compris? Ça, c'est tout le temps ensemble. Tu ne dis pas dhul jalali tout seul. Tu dis dhul jalali wal ikram comme c'est venu. Fahada mimma akhtarnahu min al-asma'illah. C'est pour ça qu'il les a pas cités, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Fahada mimma akhtarnahu min al-asma'illah ta'ala wa hiya 99 isman faman ahsa 99 isman dakhala al-janna wa ihsa'uhu qila. Alors, c'est quoi l'ihsa? D'accord. Al-ihsa, le fait de compter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. الإحصاء ici c'est quoi, هو إدراكها لفظا ومعنى والتعبد لله تعالى بمقتضاها. Donc il y a trois choses dans l'Ihsa. Non seulement tu connais, tu sais que c'est un nom d'Allah, tu n'as pas le droit de venir avec un nom qui n'est pas le nom d'Allah, et ça on l'a expliqué pourquoi dans les douros d'avant. Tu dois connaître sa ma'na, d'accord, tu dois connaître son sens, et bien sûr tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec. Vous avez compris? Ya Rahman arhamni, ya Ghafour ighfirli, ila akhir. Vous avez compris? Une fois que tu connais la ma'na. طيب. Wa min ihsa'iha kadhalika ad-du'a kadhalika du'a Allah 'azza wa jalla biha li'annahu ta'ala amara bidhalika fi qawlihi wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Donc ça rentre dans l'ihsa. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre d'Allah. Et c'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, invoquez-le avec. D'accord? Donc tu dois invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms-là, ça rentre dans Al-Ihsa. Taïb, al-Qa'ida al-Sabi'a, on va la faire, Inch'Allah, la prochaine fois. C'est quoi, page 83? Qu'est-ce qu'il y a, la 83? C'est dans quoi? C'est Yid? C'est où? Il y a Mannan, moi, je vois. Hein? يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال يا سيدي بل يقال يا رب لأنه دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر الله في القرآن. إيش فيه؟ أتو حتى أنه يذكر عن مالك وغيره أنهم كرهوا أن يقال يا سيدي. Bon, en fait là, souvent يا إخوان, faut savoir une chose. Oui, là, c'est qui, comment il s'appelle là? Abu Ya'qub Kamal al-Misri. Bon. Alors, moi, je connais les livres, je suis libraire, walillah alhamd. Souvent, tu as des gens, lambda, hein, de musulmans normal, surtout en Égypte, hein, il a un petit dictorat ou il a un petit truc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un livre, d'accord, de Cheikh Al-Uthaymeen, mathalan. L'explication, il la tape, c'est lui qui la tape lui-même, hein. C'est-à-dire, il écoute l'audio et il l'écrit, il le tape, d'accord? Et ensuite, puisque l'Uthaymeen, on va dire, il n'y a pas assez hukouk, etc., il fut une époque où il ne cherchait pas trop, lui, il cherchait pas ces choses-là, lui, les droits d'auteur, etc. Ça, c'est le masala où il y a un khilaf entre les ulama, être droit d'auteur ou pas d'un livre, vous avez compris? Taïb. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a fait son petit... son explication et son charh, mais à la fin, il fait quoi? Il fait aussi un ta'liq. Un ta'liq, c'est-à-dire des annotations dans quoi? Dans le charh. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Alors, ça veut dire que souvent, ces gens-là, ils pensent bien faire, mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils compliquent les choses. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ils te ramènent des paroles de là, et de là, et de là, et de là, et à la fin, hein, ils te disent, voilà, il faut comprendre ça ou il faut comprendre ça. Alors que le kalam de Cheikh, il est wadih. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Par exemple, quelqu'un qui vient et qui dit Innahu kana bi hafiyya. Cheikh Al-Uthaymeen dit j'ai un taraddoud. Lui, il n'a pas regardé par rapport au salaf. Regardez le taqaïd. Il n'a pas regardé par rapport au salaf. Il a dit j'ai une hésitation par le fait qu'il a été précisé. Vous avez suivi? L'autre, celui qui vient, là, ce Abu Ya'qub, hein, je ne sais même pas c'est qui, mais bon, c'est pas grave. Ici, ça. Mayadur, c'est écrit. Ce Abu Ya'qub, qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà, il n'y a aucun salaf qui l'a dit. On n'est pas en train de parler des salafs qui l'ont dit. On est en train de parler si, de l'argumentation même du verset, est-ce qu'on peut tirer le fait que c'est un nom d'Allah? Vous m'avez suivi ou pas? Là, il vient et il te ramène encore une autre parole et il te dit quoi? Il te dit Al-Wajh al-Thani, Thalith, Tayyib, Fayna Jumur al-Ulama. Bon, Al-Muhim, il ramène un kalam qui est long. Tayyib, on sait. Même pas d'où il sort. Alors attends, il te ramène quand même le. Si. Alors attends, il te ramène un kalam du Cheikh l'Islam. Il te dit voilà. Kariha Malik an yuqal ya Sayyidi. Comme quoi c'est makruh de dire quoi? Ya Sayyidi. On peut dire ya Rabbi. D'accord? Mais ya Sayyidi. On peut pas dire pourquoi? Parce que ça porte à confusion. Pourquoi? Parce que il se peut que le Sayyid, hein, ça soit autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Alors, on te dit, l'imam Malik, il détestait qu'on dise, hein, Ya Sayyidi, bel yuqal, on dit plutôt Ya Rab, li'annahu du'a al-Nabiyyin. Pourquoi? Parce que c'est le du'a des Nabiyyin. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïm. Il est où l'ishkal? Est-ce qu'il y a ishkal dans ça? Kariha Malik. Taïb. Pourquoi Kariha Malik? Parce que c'est Dua Nabiyin. Regardez quand tu as des fondements. Si c'est Dua Nabiyin, on regarde si les Anbiya, ils ont dit Yassayidi. Ma foum? Et khalas. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est aussi simple que ça. Les fondements, il faut rester toujours sur les fondements. Il faut prendre les choses claires. Et quoi? Et laisser les choses qui sont équivoques. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Prendre les choses claires. Là, par exemple, il te dit Kariha Yuqal Yassayidi. Taïb. Pourquoi? Parce que c'est les du'as de qui? Des Nabiyin. Vous avez compris? C'est le du'as des Nabiyin. Ça, c'est la parole de qui? Est-ce que c'est la parole de Cheikh l'Islam ici qui ramène ou pas? Allah, ya khi, hada yuqal. Attends. Wa su'ila Cheikh l'Islam. Mais où su'ila? Où il le ramène? Lui, j'ai l'impression, chauffe. Le mouchkila, j'ai l'impression que c'est des fois, c'est des paroles de lui et des fois des paroles de Cheikh l'Islam. Si c'est des paroles de Cheikh l'Islam, rahmatullah alayh, d'accord? Khalas. On dit, voilà, on sait que Yassayidi, etc. Maintenant, c'est une recherche qu'on pourrait faire. Par exemple, aller rechercher dans les paroles de savants, est-ce qu'il est autorisé de dire Yassayidi en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où moi, quand je dis Yassayidi, ou Aqsud Allah subhanahu wa ta'ala, on dit bien Ya Rabbi, et puis le Rab, ça peut être Rab al-Bayt aussi. C'est vrai ou c'est faux? Mais pourtant, on dit Rabbi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc ça va dépendre du qas de la personne. Vous avez compris? Taïb. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ça c'est une question qui se recherche, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est pas quelque chose de azim ou l'hajj. Est-ce que vous avez compris ça? La prochaine fois, on fait le qa'id al-sabi'a. Est-ce que vous avez compris les noms maintenant, les 99? Abdel Karim, tu m'avais dit la dernière fois qu'il y en avait plus des noms? Combien? Regarde, dis-moi, Inch'Allah, Nastafid, Inch'Allah, après on va regarder, parce que moi je devais vous ramener une recherche sur ça. Regarde s'il y en a plus. Ah. Ouais. Non. Oui. Ouais. Mais c'est pas le même. Ah bon? Bah ils sont trompés. Hein. Celui qui est dans le Sunna. Non. Regarde si c'est là où on a parlé de l'Hayyi. Regarde si c'est là où on a parlé de l'Hayyi. C'est pas le vivant. Alors, attends. Barakallahu fik. C'est bien, mes frères. Allah, vous êtes attentifs. Mashallah. Bon, alors, l'Hayyi. Inna Allah hayyun. Vous voyez, hayyun karim. Hayyun karim. Hein? Oui, il y a deux gars. D'accord. Et eh bien celui-là, c'est pas le vivant. Hein. Ouais. Ça vient de. Hein, non, ça vient de la pudeur, ça. D'accord? Ouais, le pudique, enfin, je sais pas si. Al-Mu'im, celui qui a la pudeur. Ah, c'est ça? Celui qui a la pudeur, on dit qu'il est pudique? Khalas. Hein? Ouais, celui avec deux ya. C'est pas le vivant. Vous avez compris? Voilà, il faut faire la différence entre les deux. Alhamdulillah, mashallah, tistafidoun. C'est mieux que de rester chez soi, non? Hein?